Mohammed ben Brahim s'est-il repenti? Les hérétiques Jahmiya contemporains essaient de faire croire que Mohammed ben Brahim al-Ashir a changé d'avis au sujet du statut de gouverné par les lois humaines, qu'il exposa dans sa fatwa célèbre, Tahkim al-Qawanin, publiée en 1380 de l'Égypte, sous prétexte que le Shir prononça une fatwa 5 ans plus tard où il dit, dans Majmou' al-Fatawa, volume 1, page 80, la concrétisation du témoignage que Mohammed est le messager d'Allah, prendre sa loi pour juge, s'y conformer et abandonner ce qui s'y oppose, comme les lois humaines, les inventions et toutes les choses pour lesquelles Allah n'a fait descendre aucune autorité, que quiconque juge par elle ou demande à être jugé par elle en pensant en la validité de cela ou qu'il en a le droit, c'est un mécréant coupable d'une impiété, l'expulsant de l'islam. Mais quiconque le fait sans croire en la permission de cela, c'est un ingrat coupable d'impiété gestuelle, ne l'expulsant pas de l'islam. Ils prétendent que cette fatwa est la plus récente et qu'il a clairement changé d'avis ici. Cependant, c'est une illusion et une rêverie, voire un fantasme. Car Mohammed ben Brahim, en 1388, soit 3 ans après ce prétendu changement d'avis, disait encore, au volume 12, page 263, « Je remercie votre excellence pour cette explication, mais la chose que j'ai réprouvée et que refuse tout musulman, et j'en ai parlé, plusieurs fois avec le roi lui-même, c'est de choisir des membres séculiers à côté des érudits dans cette organisation, comme le stipule l'énonciation envoyée aux membres. Mettre des séculiers avec les religieux revient à associer les règles qu'il édite, et ce, au nom de la conciliation et avec leur signature apposée ensemble. Et ceci, sans aucun doute, mettra ces règles-là, soumises aux passions des séculiers, comme elles sont soumises aux avis des érudits. Il y a en cela une mise en égalité entre la loi islamique et les lois humaines, et ouvre la porte au jugement par autre que la loi islamique et son remplacement. Or, ceci est réprouvé par l'imam des musulmans, qu'Allah le préserve, de même que tout musulman sincère dans son islam. Car en jugeant par autre que la loi islamique entre les hommes, signifie la mécréance et l'expulsion de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Le 23-10-1388. Ici, il est bien clair que le Cheikh Mohammed ben Brahim considère que de juger par les lois des séculiers, les juristes des lois humaines, est une mécréance expulsant de l'islam, et non pas un kufr dun kufr, une mécréance moindre. Et ceci, 3 ans après la fatwa sur laquelle fantasment les adorateurs des Tawarits.